Le mariage du prophète alayhi salatu wassalam avec Saouda radiallahu anha. Au mois de Shawwal de la 10e année de la mission prophétique, l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam se maria avec Saouda. Cette femme avait enduré de nombreuses épreuves dans la voie de l'islam. Elle s'était convertie dès les débuts de la prédication et c'est elle qui avait persuadé son mari de la suivre dans cette foi nouvelle. Lors de la seconde émigration pour l'Abyssinie, elle avait accompagné son mari, As-Sakran, fils de Amr. Celui-ci mourut en Abyssinie ou, selon certaines versions, sur le chemin du retour pour la Mecque. Lorsque Saouda arriva à la Mecque, l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam la demanda en mariage. Elle fut la première femme qui se maria avec lui après le décès de Khadija, radiallahu anha. Quelques années plus tard, alors plus âgée, elle concédera à Aisha, radiallahu anha, sa coépouse, son jour avec le prophète, alayhi salatu wassalam.